la marche des petits gars qui veulent pas la faire. La marche de ceux qui croient qu'on est bien mieux chez soi. Un coussin sous le derrière, par devant un feu de bois, avec une belle fille qui prépare le rata. La marche des assis, la bonne marche arrière. Celle des civilisés, la marche de la joie. Un soldat sans uniforme, c'est d'une bien plus jolie forme. Casse à la gueule d'un homme, et c'est bien mieux comme ça. Soir, un flingue en bandoulière, et qui dorment quelque part sous une croix de bois. S'il sortait des cimetières, chanterait à pleine voix que l'on était mieux sur terre et qu'il faisait moins froid. Le soleil, le dimanche et les filles et tous ces jolis plaisirs que l'on trouve ici-bas. C'est pour eux qu'il faut qu'on chante cette marche triomphante.